any problems there, go back and review that last section. And when you feel confident with that new language, continue with this next part of the conversation, in which you'll also hear what to some people could be a very useful phrase. Écoutez. Et nous cherchons aussi un livre avec les phrases les plus utiles. C'est pour monsieur. Alors là, pas de problème. Ici, j'ai un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Et c'est assez petit. It's good. Si, it is a guide for... Oh, qu'est-ce que c'est la prononciation en anglais? Pronunciation. Mais bien sûr. Bonjour, bonsoir, comment allez? What's that? Comment allez-vous? How are you? Oh, here's a good one. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Oh, very useful. How much is this? C'est combien, monsieur? Le guide est 13 euros, je crois. Ah non, pardon. Le guide est 12,30 €. It's 12,30 €. That's fine. C'est très bien, monsieur. Voyons, le guide est 12,30 € et le dictionnaire est 11 €. Alors, ça fait 23,30 €. 23,30 €. 23,30 €. Right. So, George has his dictionary and phrasebook. With useful phrases such as... Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Very useful. Well, you never know. Anyway, together the price of the two books comes to €23.30. Alors, ça fait 23,30 €.